الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أوصي ونفسي أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن من اتقى الله نجاه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد أيها المسلمون يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عز من قائل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أيها المؤمنون أحدثكم اليوم عن بدء الوحي عن قصة بدء الوحي جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو أول كتابه كتاب بدء الوحي أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أول ما بدي برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حدثت مثل فلق الصبح ثم قدم إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث في الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزوج من مثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك أي جبريل عليه السلام فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فوقفني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فوقفني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها قال لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وفي رواية لا يحزنك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها رضي الله عنهما وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرانية وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت يا عم اسمع بابن أخي، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حصل بي، فقال له ورقة: هذا الناموس أي صاحب السر الذي نزل الله على موسى عليه السلام. يا ليتني، قال ورقة، يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا، أكون ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا قول ورقة رضي الله عنه. ثم لم يشب ورقة أن توفي وفدر الوحي أي انقطع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عن فترة الوحي: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض أي إبليس عليه السلام، فرعبت منه أي خفت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي أي اشتد الوحي وتتابع، أي بعد ذلك تتابع. أيها المؤمنون، أول ما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، في شهر ربيع الأول، على رأس 40 سنة، أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأول سورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خمس آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. وكان هذا في مكة في غار يسمى بحراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ من عمره 40 سنة، وكان هذا في اليوم الثامن، وكان لهذا اليوم يوم الاثنين، كما ثبت ذلك من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما سئل عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه صلى الله عليه وسلم. فالناس في هذا الشهر عليه أن يعلموا أن أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، في شهر ربيع الأول، اليوم الثاني، وكان هذا اليوم يوم اثنين، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. فنحمد الله عز وجل على إنزال القرآن، ونفرح بذلك، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى nous parle de la révélation du Coran, la révélation du dernier livre sur son dernier prophète et messager Mohammed صلى الله عليه وسلم, de sa meilleure parole, du meilleur livre qui a été révélé, Al-Qur'an al-Karim. Il nous dit subhanahu wa ta'ala sur la traduction des sens de ces versets: et sur toi, ou plutôt c'est nous certes, et à vous révéler sur quoi le Coran. Dans un autre verset, nous sur la traduction des sens de ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous t'avons fait la révélation, nous comme nous l'avons faite à nous avant toi et au prophète après lui. Au prophète et au prophète après lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de nous réjouir de ce grand bienfait. Il nous dit, par la grâce d'Allah ainsi que sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent et bien meilleurs que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme bien de ce bas monde. Dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est-à-dire de par le Coran et l'islam, ou de par l'islam et le Coran. Et laissez-moi vous parler du commencement de cette affaire, du début de cette affaire. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a écrit le livre le plus authentique après le Coran, Sahih al-Jami'. Et le premier chapitre est le début de la révélation, le commencement de la révélation. Il a cité le hadith de Umar ibn Khattab, Imam al-A'mal ibn Niyya. Puis il a cité le hadith de Aisha, qui nous raconte comment a eu lieu le début de la révélation. Elle nous dit, radiallahu anha, la révélation débuta chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. C'est-à-dire que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam voyait en rêve des choses, et une fois au matin, il les voyait en réalité. C'est ainsi qu'Allah azza wa jalla le prépara au début de la révélation, à être le prophète de l'islam, le dernier prophète et messager envoyé à l'ensemble des mondes. Elle nous dit plus tard, il se prit à aimer la retraite, il se retira alors dans la caverne de Hira, où il se livra au Tahannus. Puis, le prophète, alayhi salam, on lui avait aimé le fait de se retirer de son peuple. Il allait donc dans un monde à la Mecque, qu'on appelle Hira, et il s'éloignait des gens. Et il s'adonna ce qu'on appelle Tahannus, c'est-à-dire qu'il était sur la religion d'Ibrahim, son grand-père Ibrahim alayhi salam, et adorait Allah seul d'un culte sincère. Il méditait et adorait Allah azza wa jalla. Et lorsque des personnes dans le besoin lui venaient, il faisait des aumônes sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait cela durant des nuits successives, sans qu'il ne revînt chez lui. Ainsi il se munissait de provisions, de nourriture. Ensuite, il revenait à Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne. La vérité, c'est-à-dire la révélation. La venue du Jibril, alayhi salam, l'ange qui est chargé de transmettre la révélation de la part d'Allah à ses prophètes et messagers. Elle nous dit, radiallahu anha, l'ange va alors le trouver et lui dit, lis, l'ange, c'est-à-dire l'ange Jibril, alayhi salam. Car la plupart, la quasi-totalité de la transmission de la révélation a lieu par l'intermédiaire de l'ange Jibril, alayhi salam. Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril l'a attrapé et l'a serré contre lui, péniblement. Puis il le relâcha et dit, lis. Je ne sais pas lire, répondit à nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se saisit donc à nouveau de lui, péniblement, et le serra contre lui. Puis il relâcha et lui dit, lis. À nouveau le prophète alayhi wa sallam a répondu, je ne sais pas lire. Il nous dit, il se saisit ça de moi pour la troisième fois, dit-il, sallallahu alayhi wa sallam, et ne sera péniblement contre lui. Puis il le relâcha et dit, lis. Au nom de ton Seigneur qui t'a créé, il a créé l'homme de sang coagulé. Lis, et ton Seigneur est certes très généreux. Donc les premiers versets de sourate Al-An'am. En possession de ces versets, le cœur tout palpitant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui, chez Khadija, bint Khuwaylid, et s'écria, enveloppez-moi, c'est-à-dire couvrez-moi, afin qu'il puisse trouver le repos et la sécurité. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. lorsque le prophète Al-Islam se tranquillisa, il décrit et s'adressa à Khadija radiallahu anha et l'informa de ce qui s'était passé. Puis il ajouta, j'ai cru que j'allais être touché par un mal, c'est-à-dire j'ai cru que j'allais mourir ou bien être touché d'une lourde maladie. Khadija radiallahu anha, cette femme vertueuse, cette femme qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a cessé de le secourir jusqu'à son dernier souffle, cette femme qui est la première croyante, la première musulmane de la communauté de manière absolue, a dit non, par Allah, certes jamais Allah ne t'infligera ta faute, car tu lis les liens de parenté avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les autres et tu secours les victimes de vicissitudes du droit. Ensuite, Khadija radhiyallahu anha emmena à son cousin, qu'on appelle Waraka ibn Nawfal. Cet homme était le cousin paternel de Khadija. Il avait embrassé la religion de Isa alayhi salam, la religion de Isa alayhi salam, dans cette période islamique. Et il savait écrire en hébreu. Il avait donc recopié en hébreu une partie des évangiles. Puis, à cette époque, sachez qu'il était très âgé. Il a donc Khadija lui a dit, écoute du fils de ton oncle ce qu'il a à dire. Alors, Waraka lui a dit, que s'est-il passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté ce qu'il avait vu. Alors, Waraka radiallahu anhu, qui avait la science et il peut passer, lui a dit, c'est le confident qu'Allah a envoyé auparavant à Moïse, à Moussa alayhi salam, lui à Allah que je puisse jeune en ce moment. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais tant aimé être jeune. Or à l'époque, il était très âgé et avait perdu la vue. J'aurais tant aimé être jeune, j'aurais voulu être encore vivant au moment où tes concitoyens te banniront, le jour où ton peuple va t'exclure de la Mecque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rempli d'étonnement, a dit, le chasseront donc. Voilà, il a dit oui. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. C'est-à-dire que tous les prophètes et messagers, ceux qui sont venus à leur peuple en disant « Dites la ilaha illallah, délaissez la religion de vos ancêtres, n'adorez pas les idoles, ne donnez pas de part qui revienne seulement à Allah, aux créatures », toute personne qui est venue avec ce message a été combattue par son peuple. Alors voilà, il lui a dit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé cela en tête, mais lorsqu'il a transmis le message, il s'est montré endurant et patient. Et voilà, a dit, si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Si je vis encore à ce moment-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Mais il ne tardera pas à mourir. Et la révélation fut interrompue. Donc avec les cinq premiers versets, le sourate Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, sourate Al-Alaq, le prophète a reçu pour la première fois la révélation et c'est devenu le prophète d'Allah. Cela a eu lieu à la Mecque, dans le mont Hira. Le prophète avait 40 ans et c'était un lundi, le 8e jour du mois de Rabi' al-Awwal, le mois dans lequel nous sommes, le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 8e jour, et il avait 40 ans. Ainsi il est devenu prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, la seconde fois qu'il a reçu la révélation, c'était peu de temps après cela. Il y a donc eu une interruption. Et par la suite, Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tandis que je marchais, j'entendis une voix qui venait du ciel. J'ai donc levé le regard et j'aperçus l'ange qui était venu me trouver dans la grotte de Hira, dans le mont de Hira. Il était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Jibril alayhi salam lui est venu une seconde fois, mais cette fois-ci il était élevé dans le ciel, entre le ciel et la terre, et il était sur un trône assis. Le prophète a été effrayé par cette vision et il est rentré chez lui en criant « Enveloppez-moi, en plus les mois. Alors Allah Azza wa Jal lui révéla les premiers versets du surat al-Muddathir, la traduction des sens aux toi qui est enveloppé, lève-toi, jusqu'au cinquième verset. Après cela, la révélation a repris avec ardeur et elle continua sans interruption. Une personne pourrait se demander, mais n'est-ce pas durant le mois de Ramadan que la révélation a eu lieu la première fois? Il y a deux premières fois. La première fois, le prophète alayhi salam a entendu le Coran et que l'ange Jibril alayhi salam lui est venu, c'est dans le mois de Rabi' al-Awwal, un lundi, le huitième jour, alors qu'il avait 40 ans. Quant à la révélation du Coran au mois de Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, ça c'est lorsqu'il a été révélé la première fois entièrement au ciel de ce ballon. Il avait été l'Issa, comme a expliqué Abdullah ibn Abbas. Par la suite, il a été révélé régulièrement, progressivement sur le prophète selon les différents événements. Ainsi, la révélation du Coran est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal a comblé ses serviteurs. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une époque où, comme c'est écrit dans le hadith, « Inna Allah anabara ila ahli al-ard, fama qadahum ajma'i, ajamahum wa arabahum, illa baqaya min ahli al-kitab. » Certes, Allah, à cette époque, a regardé la terre et il a grandement détesté l'ensemble de ses habitants, sauf une minorité parmi les anglais qui étaient sur le tawhid. Ces gens-là, Allah Azza wa Jal ne s'est pas détesté. Donc la terre était dans un état très grave de par les péchés, de par le polythéisme qui régnait, ainsi que l'injustice et l'ignorance. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a pu faire paraître sa miséricorde, il envoya le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec ce message pour inviter l'ensemble des gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte sincère. C'est ainsi qu'a commencé la révélation. Et la révélation venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière différente. La première manière, c'est lorsque Jibril alayhi sallam lui venait sous l'apparence d'un homme, sous l'apparence humaine d'Allah azza wa jalla a permis aux anges ou à certains d'entre eux de prendre cette apparence. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, deuxièmement, dans le sommeil, Allah azza wa jalla lui révélait. La troisième manière qu'il avait pour recevoir la révélation, c'est lorsque Jibril alayhi salam lui mettait cela dans son cœur. La quatrième manière, il entendait la révélation transmise par Jibril et il entendait comme des sons de cloche. Et cette manière lui était la plus pénible, c'est-à-dire des sons bruyants, difficiles à supporter, qui se succédaient, cette manière était la plus difficile à supporter. La manière suivante était l'ange Jibril qui venait sous sa forme réelle sous laquelle il a été créé. Et cela s'est passé à deux reprises. Le prophète alayhi salam a vu Jibril sous sa véritable apparence. Il avait 600 ailes et il couvrait l'horizon. Et la dernière manière sous laquelle il recevait la révélation, c'est sans intermédiaire. Allah azza wa jalla lui a parlé directement lors de la nuit du voyage d'Ursur et de l'ascension. Allah azza wa jalla lui a parlé directement comme il a parlé à Moussa alayhi salam. Wa kallama Allah Moussa taklima. Et cela sans intermédiaire. On croit en tout cela car ça nous est venu dans le Coran et la Sunna. Aussi, il nous faut remercier Allah pour ce grand bienfait. Le fait qu'il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bil huda wa din al-haq, avec la science utile et les actions pieuses. Il lui a révélé le Coran qui est le meilleur livre. Nous devons le lire, croire, l'étudier, le mettre en pratique et le prendre comme imam que ce livre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa sallu wa sallimu ala al-mab'outh rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.